Chapitre 2. Il ne pleuvait plus. Quand ils arrivèrent dans le grand canal, la lune, qui se levait au-dessus de la croix latine du Palladio, jetait sur l'eau et sur le marbre une teinte d'incendie qui s'argenta peu à peu. Lucciola avait pris la rame et se dirigeait du côté du Rialto. Nestor, d'abord sous le charme du triste et magnifique tableau qui se déroulait, et surtout de la pose penchée de la jeune fille, s'était étendu sur le tapis de la gondole, perdu dans une extase qui le dominait d'autant plus qu'elle lui était moins familière. Mais bientôt, échappant à sa rêverie, il fut honteux de laisser toute la fatigue à Lucciola, se rapprocha d'elle et lui prit la rame. Elle sourit de la confiance de Nestor et dit en renversant en arrière sa tête fine et railleuse « Vediamo ». Il eut d'abord beaucoup de peine à conserver son équilibre dans la position classique du gondolier. Quand il y fut parvenu, il plongea gauchement sa rame dans l'eau, mais il ne trouva pas le fond et fit des mouvements au hasard. La barque, souple et légère, obéissait à toutes les impulsions et, ne sachant ce qu'on lui demandait, tournait à droite et à gauche avec des ondulations capricieuses, se penchait parfois jusqu'à effleurer l'eau avec un de ses bords, roulait autour d'elle-même et n'avait pas avancé de 10 brasses en 5 minutes. Enfin, Lucciola eut pitié de l'embarras du jeune homme et après un éclat de rire qui éveilla des échos dans quelques vieux marbres, elle reprit l'aviron que Nestor lui rendit sans difficulté. « C'est bien, lui dit-elle, vous ne parviendrez pas à nous noyer. Vous avez fait vos efforts en conscience, mais la Gavia ne veut pas. Ah, on ne conduit pas comme on veut les gondoles et les filles de Venise. J'avoue ma défaite, reprit Nestor, mais je souffre pour vous. Ne pourriez-vous pas appeler un gondolier ? Oh, tous les Traghetti sont déserts à présent. Et d'ailleurs, jamais une autre main que la vôtre n'avait encore touché cette rame. La Gavia est si douce et si fine que je la conduis ainsi pendant des heures sans me fatiguer. Regardez, je ne fais que lui montrer le chemin. » Et la gondole s'avança comme une flèche, sans que Lucciola eût pas refaire un mouvement nouveau. Nestor se perdait en 1000 conjectures. Quelle était cette jeune fille ? D'où lui venait cet esprit charmant avec cette triste nuance d'un souvenir poétique qui touchait presque à la folie ? Où s'arrêtait sa raison ? Était-ce une patricienne ? Son éducation paraissait avoir été trop rude, et ses bras d'enfant avaient une vigueur peu compatible avec l'oisiveté. Était-ce une fille du peuple ? Elle parlait trop purement sa langue, sans mélange de dialecte vénitien, pour que cette supposition fût vraisemblable. Où avait-elle pris cette candeur et cette fierté qui la rendaient sacrée ? Cette séduction mêlée d'innocence. Nestor ne trouvait pas de réponse à toutes ces questions, mais déjà, son cœur s'enflammait et son esprit se troublait. Déjà, il s'inquiétait des moyens de guérir cette raison obscurcie sur un point. Pourtant, il n'avait pas le courage de lui ôter sa naïve croyance et de lui faire comprendre que le vieux palais de ses pères était devenu une auberge. Lui, si insouciant dans sa vie passée, il analysait sérieusement les moindres paroles de Lucciola. Elle se sentait une sérieuse sympathie pour l'illusion de la pauvre fille. Il était séparé de Lucciola par la petite tente fermée qui se trouve au milieu de presque toutes les gondoles et qui, avec ses vasistas, ses rideaux et ses coussins, fait un ritiro délicieux pour un poète avec sa muse, pour un amant avec sa maîtresse. Il s'appuya sur la galerie et, la considérant à la blanche lumière de la lune, « Pouvez-vous parler en ramant ?» lui dit-il. « Non seulement je parle, mais je chante. » « Eh bien, si vous me jugez digne d'une confidence, si vous êtes persuadé que vos paroles n'iront pas à un indifférent et que ma curiosité n'est pas vaine, dites-moi qui vous êtes, d'où vous venez, ce qu'il y a dans votre passé, ce que vous devinez dans l'avenir. Ne soyez pas compatissante à demi. J'ai besoin de vous connaître. Et si vous pouviez me comprendre déjà, j'ajouterais que j'en ai le droit. « Oh !» lui répondit-elle, « ce n'est pas un grand mystère que vous me demandez. Tout le monde sait mon histoire à Venise, et le premier gondolier venu vous la dira comme moi. Elle est triste, et pourtant je suis la seule qu'elle fasse pleurer. Vous croyez ? Moi, je suis sûr que vos larmes montraient dans mes yeux. L'arme est rosée de la nuit, tout cela s'évapore au soleil. Puisque vous le voulez, écoutez-moi. Mais je vous répète que ce n'est presque pas une histoire, ce n'est qu'un malheur. Je suis né dans le palais Fabiani, que vous aussi vous avez appelé ce soir l'auberge de la Stella. Mon père était le fils d'un des derniers doges de la République. Il n'aimait que 2 choses, son pays et son enfant. Quand Venise eut été vendue à l'étranger, quand le pavillon de la République ne flotta plus au-dessus de Saint-Marc, mon père se consuma en vains efforts pour souffler dans les cœurs vénitiens la flamme ardente du patriotisme. Il y dépensa sa vie, il y perdit sa fortune. Souvent il me disait « Les vieux siècles, les siècles d'or et de gloire, vivent encore dans les murs de ce palais. Tant qu'il aura des Fabiani pour maître, il restera quelque chose de notre République, car les enfants de Lucciola seront nobles comme toi, seront grands et justes comme nos aïeux. Conserve toujours ce palais. Ce sera le dernier sanctuaire et le lieu d'asile de la liberté vénitienne. Cela a été écrit dans l'histoire, et quand une tradition se perpétue de génération en génération, c'est qu'elle vient de Dieu. Mon père me parlait ainsi, Seigneur, et ses paroles sont devenues ma religion. Il avait perdu ma mère depuis longtemps. Il n'avait pas d'autre enfant que moi. Un jour, les Allemands sont venus l'arrêter et il a été jeté dans les cachots de Saint-Marc. On a confisqué tous ses biens, on a vendu le palais. Seul au monde, toute jeune encore, il y a un an de cela. Je me torturais l'âme pour trouver un moyen de rendre la liberté à ce vieillard auguste. Je n'avais plus à moi que cette gondole, sur laquelle vous verrez tout à l'heure les armes de ma famille. Je m'habituais à la conduire, et peu à peu j'y passais ma vie. La Gavia semblait affectionner comme moi les canaux dormants qui avoisinaient la prison où était enfermé son ancien maître. Elle y allait d'elle-même, Seigneur, comme si elle avait été dirigée par une âme. Je longeais les hautes murailles, et je frissonnais de peur et d'amour lorsque j'entendais comme un soupir lointain, comme un appel désespéré qui les traversait. Mon père était là, et il me semblait que nos deux pensées se rencontraient. Une nuit, ô tressaillement et bonheur, j'étais dans le canal, sous le vent et la lune. Les vieilles pierres remuèrent, et bientôt une tête blanche, et bientôt encore maigres et voûtées passèrent entre les fenêtres du vieux mur. Je reçus mon père dans mes bras. Je m'agenouillai. Il me bénit. Il me baisa au front et nous partîmes. Je l'avais compris. Il sentait que son flambeau allait s'éteindre. Il avait fait des efforts suprêmes, non point pour être libre, mais pour aller mourir, lui, le dernier des Fabiani, dans le lit où tous les Fabiani étaient morts. Tous, de père en fils, sur la même couche, ils avaient donné rendez-vous à cette pâle épouse qui ne recueille qu'un soupir. Mon père me fit un geste. Il voulait dire qu'il se jugeait perdu et qu'il fallait ramer vers le palais. Il était inhabité encore. Nous y entrâmes par le canal souterrain que vous savez. Quand nous fûmes dans la grande chambre où je vous ai trouvé ce soir, « Maintenant, me dit-il, je puis rendre mon âme à Dieu. Je meurs chez moi, à la façon de mes aïeux, les sénateurs et les doges. Lucciola, souviens-toi de mes dernières paroles. Quoi qu'on puisse faire, quoi qu'on prétende, ce palais est à toi. Je te le donne comme mon père me l'a donné. Depuis deux siècles, notre ruine a été prédite. Depuis deux siècles, on chante à Venise une vieille légende. Le palais est vieux, mais la Vierge est forte. Du trésor pieux, caché de la sorte, un jour ses grands yeux trouveront la porte. C'est toi, mon enfant, qui étais annoncé dès les anciens âges. C'est toi qui viendras toutes les nuits, jusqu'à ce que tu aies trouvé ce qu'annonce la chanson des lagunes. Voici la clé mystérieuse qui ouvrira. Adieu, sois courageuse et sois fidèle. » Il se traîna sur son lit. Il referma les rideaux pour être seul avec l'éternité et Dieu. Et quand l'aube vint blanchir la pâle figure de sa fille agenouillée, mon père mourut. « Depuis ce temps-là, Seigneur, ma vie est en deuil, mais mon cœur a une espérance. » Cette chère musique et ces simples paroles, chantées par la voix d'un mourant, ne me sont pas sorties de l'âme. Je veux trouver mon trésor, non pas pour être riche, mais pour remettre le vieux palais à la vieille histoire. Toutes les nuits, j'en parcours les ténèbres, et je suis comme le fantôme errant de la famille dans cette solitude désolée. Souvent, on a vu une lampe courir derrière les hautes fenêtres, et comme le palais était inhabité, et que personne à Venise ne connaît le passage secret par lequel j'entre, on dit dans le peuple que l'âme des Fabiani revient errer dans ces ruines. Mais vous, Seigneur, si vous avez quelque pitié pour une pauvre fille qui obéit à un ordre suprême, ne retournez jamais dans le palais Fabiani. Respectez la couche du vieillard et ne riez pas du souvenir qui me fait pleurer. Non, interrompit Nestor, non, ô ma douce Dogarès, ce ne sera pas en vain que tu m'auras enivré de la tristesse de tes regrets. Je me sens tout républicain depuis que je t'écoute. Non, je ne retournerai plus là-bas que pour te suivre et pour te défendre. Seigneur, n'attachez pas votre sourire à mes larmes. Savez-vous qu'à Venise on m'appelle la folle, qu'on me montre du doigt partout où je passe, que les mères écartent leurs enfants de moi, et que les gondoliers poursuivent ma barque? Pourquoi? Parce que je suis trop fière pour chanter avec eux, parce que je suis trop pauvre pour ne pas être fière. Voilà maintenant mon univers, mon palais et mon toit. Ma gondole est tout ce qui m'est revenu de la fortune de mes pères. Je ne quitte pas ce cher débris, et c'est pour cela qu'ils disent que je suis folle. Je vais au hasard comme je vis. Ma barque effleure en rêvant toutes les lagunes, de même que la mouette dont je lui ai donné le nom. J'erre dans la ville des ruines, et je vois une à une toutes les splendeurs de la reine de l'Adriatique retomber dans la mer d'où elles sont sorties. L'océan reprend son niveau. La vague bat de l'aile contre les monuments qu'elle emporte. Toute cette féerie impossible, qui fut la gloire de ma famille, disparaît comme un mirage. La mer sourit et moi je pleure. Je suis Venise, Venise vaincue et morte. Ne vous arrêtez pas auprès d'une ruine. Et puis, je vous le répète, ma vie est étrange et fatale. Je poursuis mon rêve comme les poètes, comme les amoureux de l'idéal, comme tous ceux qui meurent. On a raison de dire que je suis folle. Je ne sors de ma barque la nuit que pour entrer dans ce palais qui est ma chimère. La fille des doges ne veut pas voir Venise pendant le jour. Son cœur est trop plein de malédictions contre ces esclaves faciles qui acceptent le joug sans révolte et la défaite sans lutte. Je m'enferme là, sous l'ombre de mes rideaux, et j'amarre la gondole sur quelques quais déserts. De là, j'entends parfois le bourdonnement de la place Saint-Marc, les tumultes des calais, les disputes des gondoliers, les chansons des amants, le carillon des dômes et la fanfare des soldats de l'Autriche. Comme tous ces bruits me font mal, je tâche de les oublier en dormant, et je revois Venise telle que le soleil l'éclairait il y a 200 ans. Dans le commencement, on est venu troubler mon sommeil, on s'inquiétait de cette vie à part, on venait m'insulter jusque dans ma barque. Peu à peu, on s'est habitué à me considérer comme une insensée. On a respecté l'infirmité de mon intelligence, et on me laisse seul. La vague passe, l'heure passe, et la nuit arrive. Alors ma course recommence. Je sais combien il tient d'étoiles dans chaque canal, comment la lune jette l'ombre des ponts, comment les brises font gémir les cloches, dans quelle traguettie les amoureux viennent chercher les gondoles, sous quelle fenêtre chantent les guitares, dans quelle ruelle les épées brillent, ils ne brillent pas souvent. Je connais tous les bruits, toutes les lueurs, toutes les ombres de Venise pendant la nuit. Et quand les volets sont fermés, quand le grand canal est désert, quand tout dort, j'arrive dans le palais, je cherche, j'invente, je me souviens, je désespère, je me répète la chanson que me disait mon père à son agonie. J'étudie tous les mystères de ces vieux murs, je prie la Madone, je reprends mon courage, et je ne trouve rien. Alors, docile à ma tâche, je me dis à demain, et demain est toujours semblable à aujourd'hui. Ô Seigneur, je vous le répète, ne me distrayez pas de ma mission fatale, oubliez l'importune enfant qui est venu troubler votre sommeil. Mais seulement, quand la foule dira qu'elle est folle, répondez dans votre cœur qu'elle est pieuse, qu'elle est fidèle et qu'elle est triste. Eh bien, Luciola, reprit Nestor, qui l'avait écouté avec passion et qui sentait son cœur plein d'émotions nouvelles, vous ne m'avez pas convaincu. Non, je ne crois pas au malheur de me consacrer à vous, de vous aider dans votre recherche, de vous consoler, de laisser aller mon âme au charme qui l'entraîne vers vous. J'errais sans but dans ma vie. J'étais inutile, j'étais égoïste, je ne sentais rien. Depuis notre étrange rencontre, ma poitrine frémit, mon cœur remue, ma pensée est vive. J'aime le bien, j'aime la noblesse, j'aime la vertu. J'aime tout ce que vous m'avez laissé entrevoir. Je dormais et je vis, je rêvais et je suis prêt à agir. J'ignorais presque le sentiment de la patrie, et maintenant j'adore la mienne à travers la vôtre. Luciola, que vous le permettiez ou non, je suis à vous. Je prends vos pensées, je respire votre air, je suis le sillon de votre barque. » Elle s'arrêta, le contempla une minute, puis, ramenant sa rame avec force et glissant sur le canal, « Non, je ne vous mêlerai pas de mon infortune. Dans quelques heures, quand le jour viendra, vous me direz adieu. Nous ne nous reverrons plus. Il faudra m'oublier. Ce sera facile. Je fuis comme une ombre, comme une nuit. Maintenant, ne parlons ni du passé ni de l'avenir. Nous sommes descendus pour voir Venise aux étoiles. Regardez Venise, Seigneur. » Il y avait tant de mélancolie dans l'accent de ces derniers mots que Nestor crut un instant que la jeune fille éprouvait comme lui le tressaillement d'une sympathie involontaire. Il frémit d'espoir, et pour mieux découvrir la vérité, il répondit « Je sais que vous ne pouvez pas me comprendre. Je sais que votre innocence est trop grande pour que vous admettiez même le charme souverain de votre beauté. Je sais que le cœur qui s'allume si vite est suspect. Mais je sais aussi que vous avez transformé mon être, que le son de votre voix me fait trembler, que ces courts instants passés ensemble m'ont donné plus d'émotion que toute ma jeunesse. Luciola, au nom du calme religieux de la nuit, au nom de la sainteté d'un serment fait sous les étoiles de Dieu, croyez-moi, je vous aime. » Et moi, répondit-elle en revenant à sa fière nature, et moi je vous plains. Peut-être n'êtes-vous pas assez noble pour la petite fille d'un doge. À coup sûr, vous êtes trop riche pour la pauvre batelière. Non, je suis voué à une tâche fatale ou à une solitude triste, mais glorieuse, devant le devoir. Non, cela ne sera pas jamais. À cet instant, la gondole était entrée dans un canal étroit qui va du côté de la Calle dello Speziale et qui passe sous le pont de Donna Onesta. L'obscurité était profonde, quand tout d'un coup des flots de lumière éclatèrent à l'extrémité du canal. On entendit une explosion de rires et de chansons. C'était une barque joyeuse, pavoisée, étincelante. « Ah !» s'écria Luciola avec un geste d'effroi, « c'est la gondole de Roncari. Toutes les fois qu'elle me rencontre, elle m'apporte un outrage. Vous allez voir qu'ils vont m'insulter. »« Vous insulter ?» s'écria Nestor. « Vous oubliez que je suis là. Vous n'avez pas d'armes, ils en ont, eux. Si vous m'aimez comme vous le dites, ne tentez rien, ne dites rien et cachez-vous sous ce tapis. » La parole de Luciola était si décisive que Nestor obéit sans essayer une observation. En une minute, la jeune fille avait sauté à l'extrémité de la barque. Cependant, l'autre gondole, follement lancée, avait bientôt rejoint la sienne. Le jeune gondolier que Luciola avait désigné sous le nom de Roncari tenait la rame et emmenait dans sa barque une femme et quelques compagnons qui paraissaient revenir d'une orgie. Connaissant la gondole de Luciola, il mit la sienne de travers, de façon à lui barrer le passage. « Ah ! » s'écria-t-il. « As-tu oublié, Luciola, les coutumes de Venise ?»« Tu ne m'as point dit ?»« Oui, Castale !» C'est le cri par lequel les gondoliers s'avertissent pour ne point aborder. « As-tu craint d'être reconnu à la voix ? Vraiment, la belle fille, on ne passe pas ainsi. Il faut venir à notre bord, ou nous permettre d'entrer dans ta barque. » « Roncari, il n'y a plus à Venise que la liberté des canaux. Laisse-la moi et fais-moi place. »« Per Bacco, » reprit-il, « voici du nouveau. Enfant, la Luciola, un amoureux, regardez !» Et du bout de sa rame, il écarta le tapis qui recouvrait Nestor. Celui-ci, se redressant impétueusement, la prit dans ses mains. Mais Luciola, ayant fait un rapide mouvement, sa gondole recula et Nestor lâcha la rame. « Tout à l'heure, je pouvais rire, Luciola. Maintenant, je parle sérieusement, » reprit Roncari. « Écoute, nous avons supporté tes dédains. Nous avons souffert que la plus belle fille des lagunes ne choisit pas un amoureux parmi nous. Mais ce n'est pas pour permettre que tu nous railles en promenant dans ta gondole un étranger au clair de lune. Puisque tu as des amants, nous voulons en être, ou au moins nous voulons connaître celui que tu nous préfères. » Et en disant ces mots, il s'élança pour sauter dans la gondole de Luciola. Alors elle fit un nouveau mouvement désespéré. Roncari tomba dans le canal, et déjà Luciola avait gagné de l'espace. Mais mille imprécations retentirent dans l'autre gondole. Deux rameurs la firent voler à la poursuite de la gavia, et avant que Nestor eût pu se défendre, deux bras robustes l'enlacèrent et le jetèrent dans la gondole. Roncari l'eut bientôt rejointe à la nage. Alors la jeune fille cria, en français, à Nestor, « Vous êtes avec des infâmes. Attendez-moi et gagnez du temps. Songez à vos promesses d'amour. Je mentais, il y a un instant. Elles sont dans mon cœur. Vous me reverrez. » Elle reprit l'aviron, et la gavia disparut dans l'ombre, comme si réellement elle avait eu des ailes.